Good evening, my fellow Americans. Tonight I want to speak to you of peace in Vietnam and Southeast Asia. Pham Xuan Han est sans doute l'espion le plus bluffant de l'histoire de la guerre du Vietnam. Celui que les Américains considéraient comme leur ami était en réalité un agent du camp communiste. L'espion parfait, peut-on dire, puisqu'il a réussi le tour de force de garder son secret pendant plus de 20 ans, sans être jamais inquiété, depuis le début de la guerre d'Indochine jusqu'à la chute de Saïgon en 1975, qui marque la victoire finale des communistes. La voix du Vietnam émettant de Hanoï, capitale de la République démocratique du Vietnam. La ville de Saigon, qui porte le glorieux nom de Ho Chi Minh, a été totalement libérée. Pham Xuan Han était un journaliste, et pas n'importe lequel. Un des mieux informés de Saigon, la capitale du Sud-Vietnam soutenue par les États-Unis. Réputé pour ses analyses pointues de la stratégie du Nord-Vietnam communiste ou de la politique américaine, cet homme discret, modeste, amical et plein d'humour avait ses entrées partout à Saigon, que ce soit dans l'armée sud-vietnamienne ou à l'ambassade des États-Unis. Même les agents de la CIA le consultaient. Rien d'étonnant à ce que dans les années 60, Pham Xuan Han ait été embauché par l'agence de presse Reuters, le New York Herald Tribune et enfin par le Time, le prestigieux magazine d'information américain. What magazine do millions of readers all over the world turn to each week? Time, of course. People read Time for what's in it. Because what certain people are thinking influences whether the world is at peace or war. Pham Xuan Han était le seul Vietnamien journaliste à plein temps au bureau de Time à Saigon. Et donc, dans les années 70, chose hallucinante a posteriori, plus de 80% des pages consacrées au Vietnam dans le magazine étaient rédigées en fait par un espion communiste. Ce journaliste, qui savait tout avant tout le monde, suscitait respect et admiration, parfois aussi un peu de suspicion. Mais celle-ci était vite balayée par la sympathie et la confiance qu'il inspirait, lui qui ne ratait jamais une occasion d'exprimer son amour des États-Unis. Paradoxalement, un amour qui était sans doute sincère. Mais en 1975, après 30 ans de guerre, le camp communiste remportait la victoire. France Inter, le 30 avril 1975, Jean-Pierre Elkabbach. 30 ans. 30 années de guerre se sont achevées ce matin par la prise de Saïgon. 30 années au cours desquelles les partisans d'un Vietnam indépendant ont lutté contre les Français, contre les Américains et contre d'autres Vietnamiens qui se battaient aux côtés des Américains. Le GRP et le Nord-Vietnam ont tenu bon. Et cela face à la formidable puissance de guerre américaine de 1961 à 1973. Puis, après les accords de Paris et avec le désengagement américain, GRP et Nord-Vietnam passaient à l'offensive. Whenever there's a chance, dig in a little bit more. Before you know it, there's more of Saigon below ground than on top of it. La veille, alors que l'armée nord-vietnamienne fonçait sur Saigon, poussant devant elle des milliers de réfugiés, et que les derniers étrangers étaient évacués par hélicoptère, Pham Xuan Han, lui, annonçait qu'il ne partait pas, au grand étonnement de ses confrères américains. À leurs yeux, ce Vietnamien qui travaillait depuis des années pour le camp du Sud et les États-Unis allait sans aucun doute subir la vengeance du vainqueur communiste. Mais non. Pham Xuan Han leur avait dit qu'il ne pouvait laisser derrière lui sa vieille mère, et il était donc resté. Ce n'est que 3 ans plus tard, en 1978, que les Américains apprendront avec stupeur l'incroyable vérité. Pham Xuan Han avait été, pendant toute la guerre, la plus importante taupe communiste au Sud-Vietnam. On apprenait aussi qu'en 1976, donc un an après la fin de la guerre, il avait été élevé au rang de héros de l'armée populaire, pour avoir, je cite, « travaillé et vécu avec l'ennemi durant 23 ans, tout en restant d'une loyauté absolue à l'égard du parti ». Durant 23 ans. Ce qui signifie que son engagement communiste avait débuté dans les années 50, quand il était jeune homme. c'était au temps de l'Indochine, le nom donné par les Français à l'immense territoire qu'ils avaient conquis et colonisé en Extrême-Orient à la fin du XIXe siècle, la perle de l'Empire. Saïgon, dans un grand soleil d'or, c'est le plus joli port, dans le plus beau décor. Saïgon, c'est l'escale d'amour, où l'on vient quelques jours, et l'on reste toujours. C'est donc sous la colonisation française que Pham Xuan Anh est née en 1927 à Bien Hoa, une petite ville à l'est de Saïgon, où son père, pauvre mais lettré, est employé du cadastre dans l'administration coloniale. Au début des années 40, Pham Xuan Anh, comme tous les écoliers, chante « Maréchal, nous voilà ». Mais à l'adolescence, cet élève curieux de tout mais dissipé est envoyé par son père à la campagne dans le delta du Mékong. C'est là, en découvrant la condition misérable des paysans, mais aussi dans la lecture de Jean-Jacques Rousseau, que le jeune homme développe une conscience politique. Comme beaucoup d'étudiants vietnamiens, il sympathise avec les mouvements nationalistes qui ne supportent pas la présence française. Quoi qu'en disent les actualités de la métropole. Dans de nombreuses régions, autrefois désertiques, où des tribus hostiles les unes aux autres traînaient une existence misérable, les civilisateurs français ont apporté la paix, le travail, la prospérité, la joie. En Asie, voici l'Indochine qui comprend la Cochinchine, le Tonkin, l'Annam, le Cambodge et le Laos. Population dense, intelligente et laborieuse. La France dispense à ses protégés un enseignement libéral en harmonie avec la mentalité indigène. La France admet comme légitime et heureuse la diversité des civilisations qu'elle respecte. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, alors que les promesses par la France d'émancipation des peuples colonisés restent lettre morte, Pham Xuan Anh est tenté, comme beaucoup d'autres jeunes, de rallier le Viet Minh, le mouvement nationaliste communiste dirigé par le charismatique Ho Chi Minh, dont le fameux discours du 2 septembre 1945 marque le début de ce qu'on appellera la guerre d'Indochine. Un peuple qui s'est obstinément opposé à la domination française pendant plus de 80 ans, ce peuple a le droit d'être libre, ce peuple a le droit d'être indépendant. Pour ces raisons, nous, membres du gouvernement provisoire de la République démocratique du Vietnam, proclamons solennellement au monde entier, le Vietnam a le droit d'être libre et indépendant, et en fait, est devenu libre et indépendant. Pham Xuan Anh, d'abord simple agent de liaison, participe aux grèves et aux manifestations des étudiants communistes. Sur une photo de l'époque, on le voit, tout jeune, mince, habillé de blanc, portant une banderole au milieu d'une manif. Il est vite repéré et fiché par la police française qui traque les militants du Viet Minh. Comme on le voit dans le film Indochine de Régis Varnier, où Jean Yann interprète le rôle du chef de la sûreté coloniale française à Saïgon. Un communiste pour 100 arrestations, c'est la moyenne. J'ai tout sur toi, Cao. Tu vas retourner à tes réunions de cellules. Rien ne change. Sauf que tu me fais un rapport chaque semaine. On est le 16, je veux ton premier rapport le 24. Si j'ai rien, le 25, tu es au bagne de poule au Condor avec ton père et tes deux frères. D'accord ? Poule au Condor. Le bagne créé par les Français sur une île au sud du Vietnam, où jusqu'en 1975, les opposants sont emprisonnés dans des conditions effroyables. En 1950, l'engagement de Pham Xuan Anh prend un tournant nouveau, singulier, qui va déterminer sa vie. Un proche de Ho Chi Minh l'appelle pour une mission très particulière. Devenir à Saïgon le premier agent d'un service de renseignement pour le Viet Minh. Un espion, donc. Sur le coup, Pham Xuan Anh n'est pas franchement emballé. Je trouvais ce travail méprisable. Un travail de chien de chasse ou d'oiseau de proie. J'avais été battu par la police lors de manifestations d'étudiants à Saïgon et je n'avais aucune envie de devenir un mouchard ou un informateur. Pham Xuan Han espérait, lui, rejoindre les combattants armés qui se cachent dans la forêt du Sud-Vietnam, rejoindre en particulier sa sœur, partie 3 ans plus tôt dans la clandestinité. La mission qu'on lui propose est donc beaucoup moins romantique. Mais le jeune homme accepte. Et en vrai espion, il est prié désormais de disparaître des radars de la police, de dire adieu aux manifs et au militantisme de sa jeunesse. En somme, de devenir un Sud-Vietnamien bien tranquille, couleur muraille. En 1953, Pham Xuan Han devient membre du Parti communiste vietnamien lors d'une cérémonie, clandestine bien sûr, au milieu de la forêt de U Minh, dans le delta du Mekong. La solennité du moment, alliée à la beauté mystérieuse du site, réputé pour ses marais et ses mangroves, a de quoi marquer à vie le jeune homme. Sur le front militaire, alors que la guerre d'Indochine, d'abord conflit colonial, est devenue un enjeu de la guerre froide, le Viet Minh remporte la victoire sur la France à la bataille de Dien Bien Phu le 7 mai 1954. La nouvelle tombe alors que des négociations s'ouvrent à Genève. Ces négociations s'ouvraient à l'heure même où les éditions spéciales annonçaient à la France la chute de Dien Bien Phu, tombée après 57 jours d'une bataille sans merci. À l'heure où les héroïques soldats du général de Castres cédaient sous le nombre après une défense qui pourra compter parmi les plus hauts faits militaires de toute l'histoire. Une défaite humiliante pour la France, alors que la même année, une autre colonie française, l'Algérie, se soulève pour son indépendance. Le 21 juillet 1954, suite aux accords de Genève, le Vietnam est divisé en 2 zones, de part et d'autre du 17e parallèle. Le Nord-Vietnam communiste, soutenu par les Chinois et les Soviétiques, et le Sud-Vietnam, soutenu par les États-Unis. Une guerre prend fin, mais une autre commence, encore plus meurtrière et qui durera 20 ans, la guerre du Vietnam. Les communistes ne sauraient en effet se contenter d'un Vietnam coupé en deux. Dans le sud, les rebelles donnent naissance au Viet Cong, une armée secrète communiste soutenue par le Nord qui, pendant des années, va mener une guerre d'usure, sabotage, embuscade, guérilla, contre les Américains et contre l'armée du Sud. En 1957, les services secrets du Nord-Vietnam, redoutant que leur agent soit arrêté, décident qu'il doit apprendre un nouveau métier, à leurs yeux la meilleure couverture pour espionner, journaliste. C'est Ho Chi Minh lui-même qui, paraît-il, aurait eu cette brillante idée pour lui. Et quel meilleur endroit pour apprendre le métier que le pays de l'ennemi? En 1957, âgé maintenant de 30 ans, Pham Xuan Han, qui parle bien anglais, achète un billet d'avion et quelques vêtements neufs, réussit sans trop de mal à obtenir un visa et, sur ordre du Nord-Vietnam, s'envole pour les États-Unis. Pendant 2 ans, il étudie le journalisme dans une université en Californie. Les autres étudiants qui voient pour la première fois un Vietnamien le surnomment Confucius. Pham Xuan Han, des années plus tard, se souviendra de cette période comme une des plus belles de sa vie et la seule vécue sans anxiété. C'est vrai, pendant qu'il mène sa vie insouciante d'étudiant sous le soleil californien, au même moment, au Sud-Vietnam, beaucoup de ses ex-camarades du Viet Minh sont arrêtés, torturés, tués. Et en 1959, quand il est rappelé dans son pays, on comprend que Pham Xuan Han hésite. S'il rentre, ne sera-t-il pas arrêté dès sa descente d'avion à l'aéroport de Saïgon? Comme le dit Josephine Baker, j'ai 2 amours. J'aime mon pays et j'aime les États-Unis. Quand la guerre sera finie, j'espère qu'ils se réconcilieront. Pham Xuan Han, loyal à sa patrie, se décide tout de même à rentrer en octobre 1959. Mais il a si peur à son arrivée à Saïgon qu'il ne sort pas de son appartement pendant 1 mois. Finalement, faisant jouer des relations, l'espion réussit à se faire embaucher par une agence de presse sud-vietnamienne, en réalité totalement financée par la CIA. Une excellente couverture qui permet à Pham Xuan Anh de se faire reconnaître comme journaliste à Saigon. Commencent alors pour Pham Xuan Anh les années les plus brillantes, mais aussi les plus dangereuses et les plus stressantes de sa vie. Celle où il collabore avec les Américains en tant que correspondant pour l'agence Reuters, puis pour le magazine Time. Le jour, Pham Xuan Anh passe de longues heures à l'hôtel Continental, ou à côté au café glacier Givral, deux endroits chics du centre-ville qui datent de la colonisation française. C'est là, sous les palmes des ventilateurs, en sirotant un cocktail ou un sorbet, que se retrouve tout ce que la capitale du Sud-Vietnam compte de personnalités influentes, militaires, députés, journalistes, hommes d'affaires, espions. Et c'est vers Pham Xuan Anh qu'il se tourne pour tenter d'obtenir des informations sur la stratégie nord-vietnamienne ou américaine ou l'avancée des combats. Surnommé le général Givral, Pham Xuan Anh, qui ne manque pas de modestie ni d'humour, préfère les titres, lui, de professeur coup d'État ou entraîneur de chiens militaires. Une allusion à ses chiens qui ne le quittent jamais. Combien plus tard on découvrira que Pham Xuan Anh était un espion communiste, on apprendra aussi que ces bergers allemands n'étaient pas que de gentils animaux de compagnie. Leur maître les avait entraînés à repérer de loin, même à des kilomètres, le bruit d'une descente de police, à l'alerter et à lui laisser le temps ainsi de détruire des documents compromettants, voire à s'enfuir. Le jour, Pham Xuan Anh aime aussi discuter et échanger des informations avec son ami Robert Chaplin, le correspondant à Saigon du prestigieux magazine américain The New Yorker, dans son bureau au troisième étage de l'hôtel Continental. Chaplin est à Saigon, le journaliste qui a les meilleures entrées à l'ambassade des États-Unis et à la CIA. Un jour, quand on se demandera comment Pham Xuan Anh obtenait ses renseignements, on soupçonnera Robert Chaplin d'avoir été le maillon faible, par excès de confiance pour son ami vietnamien. Mais lorsqu'arrive la nuit, le journaliste, ami des Américains, se transforme en un redoutable espion. Pendant des heures, il photographie des documents top secrets et tape à la machine de véritables rapports stratégiques, parfois de plusieurs centaines de pages, à partir des renseignements collectés dans la journée. Et régulièrement, tous les deux ou trois mois, le week-end plutôt pour ne pas éveiller les soupçons, Pham Xuan Anh prend sa modeste Renault 4, quitte Saigon et conduit en direction du nord-ouest dans la forêt de Cu Chi. Là, à un endroit précis, à l'abri des regards, il ouvre une trappe dans le sol et disparaît à l'intérieur pour y déposer ses rapports. Avant de bientôt en ressortir, et toujours à l'abri des regards, de reprendre sa 4L et repartir pour Saigon, y retrouver sa vie de journaliste pro-américain, comme si de rien n'était. Les tunnels de Cu Chi où se cachent les combattants Viet Cong sont entrés depuis dans la légende de la guerre de libération du Vietnam. Cu Chi était un lieu très beau. Un lieu où nous construisions une ville souterraine. À Cu Chi, il y avait des hôpitaux, des écoles, des théâtres et des cuisines. Tout était sous terre, dans des tunnels. Plus de 200 km de galeries où les combattants accumulent leurs armes et leurs réserves de nourriture, soignent leurs blessés et où les chefs mobilisent les soldats. Les rapports, livrés par Pham Xuan Anh, vont parcourir un chemin compliqué depuis les tunnels de Cu Chi jusqu'au Nord-Vietnam, via le Cambodge et la Chine. Quand la légende s'emparera de la victoire communiste, on racontera que Ho Chi Minh et le général Giap, le prestigieux commandant en chef de l'armée populaire du Vietnam, se frottaient les mains en lisant les rapports de Pham Xuan Anh, des rapports si précis, si détaillés, si à jour sur la stratégie américaine, qu'il déclarait « C'est comme si nous assistions, en ce moment même, au Conseil de guerre des États-Unis. » Pham Xuan Han dira plus tard que les renseignements qu'il récoltait tenaient avant tout de l'analyse et n'avaient aucun effet sur les événements. En réalité, on le sait maintenant, son rôle à plusieurs reprises a été décisif dans la guerre, notamment à la bataille d'Ap Bak, quand l'armée sud-vietnamienne et les Américains subissent leur première défaite face au Viet Cong. Le 2 janvier 1963, donc, dans le delta du Mekong, l'armée sud-vietnamienne, qui a repéré un émetteur radio ennemi, monte à l'assaut du village d'Ap Bak. Mais à sa grande surprise, elle est victime, au milieu des rizières, d'une embuscade Viet Cong. Les Américains, alertés, envoient alors des renforts. Mais 14 de leurs hélicoptères seront touchés. 5 d'entre eux seront abattus, des hommes d'équipage tués ou blessés. Pour les Viet Cong, même s'ils finissent à la nuit tombée par se replier, cette bataille marque une victoire. Pendant des heures, pour la première fois, ils ont tenu tête à la puissance américaine. Lee Kwan Kong, un ancien Viet Cong, se souvient de la bataille d'Ap Bak. La victoire d'Ap Bak a galvanisé notre mouvement. Nos soldats ont été inspirés par cette bataille. Ils oubliaient leur peur de l'ennemi. Ce que cette bataille révèle aussi, les Américains en sont certains, c'est que les Viet Cong ont été prévenus de l'attaque. Par qui ? Par Pham Xuan Han, bien sûr. Peu de temps avant, en effet, il avait fourni à Hanoï, la capitale du Nord, le programme confidentiel de guerre spéciale où était exposée la tactique américaine au Vietnam. Pham Xuan Han recevra 2 décorations pour son rôle dans la bataille d'Ap Bak. L'année suivante, Ho Chi Minh est interviewé par Daniel Unbel pour l'émission 5 colonnes à la une. Pour le leader charismatique du Nord-Vietnam, la victoire de son camp est inévitable. Est-ce que vous avez peur que les Américains portent la guerre au Nord-Vietnam ? Nous n'avons jamais peur. Comme les Français aussi, on dit que peur n'existe pas. Est-ce que vous pensez, Monsieur le Président, qu'il y a une solution militaire à la guerre du Sud-Vietnam ? Non. Parce que vous savez que le peuple Vietnam, c'est en un. Et le pays du Vietnam, c'est un. Les Américains ont fait une guerre d'agression. Et plus la guerre prolonge, plus les Américains et leurs valets, n'est-ce pas, comment dire ça, s'enliser. Hein? Mm-hmm. Par conséquent, la guerre ne peut pas durer éternellement. Pham Xuan Han va jouer un rôle important aussi dans ce qu'on appelle l'offensive du Tet, qui marquera un tournant dans la guerre du Vietnam. Le 30 janvier 1968, plus de 80 000 hommes de l'armée populaire du Nord-Vietnam et celle des Viet Cong attaquent par surprise, simultanément, une centaine de villes du Sud. La date de cet assaut spectaculaire n'a pas été choisie au hasard. En pleine trêve du Tet, le nouvel an lunaire vietnamien. Ce devait être la trêve du Tet, ce fut l'embrasement généralisé. Dix villes ont subi à la fois l'assaut des commandos du FNL. Saigon même était plongé dans les combats. Les combats de Saigon seront durs. Dans les quartiers périphériques, aux mains des assaillants, l'aviation interviendra, multipliant la confusion. L'ambassade des États-Unis prise d'assaut, il faudra la reconquérir. La bataille pour l'ambassade durera 6 heures. Les villes du Sud sont maintenant plongées dans la guerre. Il ne fait aucun doute que Pham Xuan Han a participé à la préparation de l'offensive du Tet. Un jour de 1966, un agent des services de renseignement communistes, le colonel Tu Kang, a été envoyé à Saigon pour y effectuer clandestinement un repérage en vue de l'offensive. Et c'est Pham Xuan Han qui a été chargé de le guider dans la capitale. scène surréaliste. C'est lui qui, à la barbe des Américains, emmène l'agent secret Incognito faire le tour de la ville dans sa Renault 4 pour lui montrer les bâtiments stratégiques. En somme, tout ce qu'il faut savoir pour s'emparer d'une ville. Après l'offensive du Tet, la contre-attaque des Sud-Vietnamiens et des Américains permettra de reconquérir la majeure partie des villes. Mais l'effet psychologique est considérable. Le monde entier a découvert la détermination des forces communistes. Les pertes humaines sont très lourdes. 4000 Américains tués ou blessés, 5 fois plus dans le camp communiste. Aux États-Unis, l'opinion se répand que cette guerre lointaine sera encore longue et coûteuse en armes et surtout en vie humaine. Pour la première fois s'est déroulée aux États-Unis une marche de protestation massive contre la guerre au Vietnam, à laquelle s'étaient jointes les organisations antiségrégationnistes noires. À Chicago, à Washington et surtout à New York, les pacifistes sont descendus dans la rue en arborant le drapeau du Viet Cong. Plusieurs jeunes Américains ont brûlé leurs livrets militaires devant quelques 150 000 manifestants qui ont entendu ensuite plusieurs orateurs, dont le pasteur Martin Luther King, prix Nobel de la paix, réclamer devant le siège des Nations Unies l'arrêt des bombardements sur le Nord Vietnam et l'ouverture immédiate de négociations. Après l'offensive du Tet, le président Lyndon Johnson se décide à ouvrir des pourparlers de paix et à commencer le retrait des 540 000 soldats américains. Mais la guerre du Vietnam n'est pas finie. Il faut attendre 5 ans encore pour qu'un accord soit enfin signé, prévoyant un cessez-le-feu. Paul Amar, au micro de France Inter, le 27 janvier 1973. Bonjour. Après 30 années de guerre, après 4 ans de négociations, un accord sur le cessez-le-feu au Vietnam a été signé à 11h, avenue Kléber à Paris, par les ministres des Affaires étrangères des États-Unis, du Nord-Vietnam, du Sud-Vietnam et du gouvernement révolutionnaire provisoire. Cet accord met fin officiellement à la guerre, il rétablit officiellement la paix, mais la guerre n'a pas encore pris fin sur le terrain, la paix n'a pas encore été rétablie. Elle le sera dimanche à 1h du matin, heure de Paris. En attendant, on assiste à une formidable offensive communiste. Les combats les plus violents se déroulent autour de la ville de Thaï Ninh, à la frontière du Cambodge. Le FNL voudrait sans aucun doute en faire sa capitale. L'accord prévoit le retrait des forces américaines et la libération de tous leurs prisonniers. Mais la division du Vietnam en deux demeure. Le Nord communiste sous influence soviétique et le Sud sous influence américaine. Ho Chi Minh disait, vous l'avez entendu, le peuple du Vietnam c'est un et le pays du Vietnam c'est un. Ho Chi Minh est mort en 1969, mais pour ses successeurs, l'objectif est le même. Réaliser l'unité du Vietnam sous l'égide du communisme. Et maintenant que le gros des forces américaines est parti, l'heure n'est-elle pas venue pour Hanoï de s'emparer du Sud-Vietnam? La tentation est grande. Mais à Hanoï, le général Giap, qui est aux commandes, hésite. Si Hanoï lance une offensive au Sud, comment les Américains peuvent-ils réagir? Est-ce qu'ils décideront d'envoyer à nouveau des troupes au Sud-Vietnam ou d'envoyer des avions bombarder Hanoï, ce qui serait fatal au régime nord-vietnamien? Pour obtenir des réponses, le gouvernement de Hanoï fait appel à son meilleur espion à Saïgon, qui est aussi son meilleur analyste, Pham Xuan Han. Toujours aussi malin, Pham Xuan Han réussit à mettre la main sur un document top secret du comité d'études stratégiques de Saïgon, dont le contenu est littéralement stupéfiant. Il expose sans embâge l'état désastreux de l'armée sud-vietnamienne et son incapacité à faire face à une éventuelle attaque du Nord. Le document révèle également une autre terrible réalité. En aucun cas, les Américains n'interviendront à nouveau militairement pour sauver le Sud-Vietnam du communisme. C'est fini. Aux États-Unis, où le cessez-le-feu a été accueilli avec soulagement, on ne veut plus entendre parler de guerre. Pour la première fois, le rapport de force est favorable aux communistes. Pham Xuan Han réussit à transmettre ce rapport à Hanoï. On peut imaginer la surprise et la satisfaction du général Giap et de son état-major en en découvrant le contenu. C'est donc ce rapport, subtilisé par Pham Xuan Han, qui va donner le feu vert à l'offensive. Le 10 mars 1975, l'armée nord-vietnamienne franchit la frontière sans difficulté. Comme prévu, l'armée du Sud, privée de l'appui de l'US Air Force, se révèle incapable de faire face à l'offensive. Des centaines de milliers de réfugiés sont alors jetés sur les routes, tentant de fuir vers le sud et vers la mer. 7 semaines plus tard, le 30 avril 1975, les Nord-Vietnamiens associés aux communistes du Sud, le GRP, entrent dans Saigon. La ville de Saigon, qui porte le glorieux nom de Ho Chi Minh, a été totalement libérée. The city of Saigon was renamed today. The victorious communists who forced the city's surrender said the capital of South Vietnam henceforth will be known as Ho Chi Minh City. Saigon débaptisé, le GRP s'installe à Ho Chi Minh. Il impose ses hommes, ses lois et son ordre. Alain Malavie. Il est midi à Saigon lorsqu'une Jeep arborant le drapeau du GRP apparaît dans une rue déserte près de l'ambassade des États-Unis. À bord, 8 soldats souriants et quelques minutes plus tard, les chars entrent dans Saigon. Radio Saigon cesse d'émettre. Les soldats sud-vietnamiens rendent leurs armes aux troupes du GRP et disparaissent dans la foule. Pour certains, enfin, ceux qui étaient aux côtés des Américains et qui n'ont pas pu fuir, c'est l'appréhension. Ce matin du 30 avril, le président du Sud-Vietnam, le président Minh, attend dans le palais présidentiel l'arrivée du vainqueur pour lui signifier la reddition de son armée. Un moment de solitude tragique qu'un reporter français d'Europe 1, François Poncelet, présent dans le palais présidentiel, va immortaliser. Mon général, pourquoi avez-vous proposé cette solution, s'il vous plaît ? C'est pour sauver des vies humaines, aussi bien vietnamiennes qu'étrangers dans Saigon. Mais je vois que la situation est calme. Le but que nous avons cherché ici est atteint. Vous pensez que le GRP va accepter vos propositions ? Je fais ce que je peux. Hein? Comment se déroulera le scénario ? Vous allez leur remettre tous les pouvoirs. Exact. François Poncelet quitte le général Minh et au moment où il sort du palais présidentiel, se retrouve nez à nez avec un char communiste qui cherche à s'approcher du palais. Un char avec le drapeau Viet Cong est actuellement en train de se mettre en position. Ils ont des canons braqués. Ils défoncent la grille du palais. Il y a 3 chars qui sont en train de prendre position et de tirer sur le palais présidentiel. Lors de la prise du palais présidentiel, un autre homme est présent ce jour-là, Pham Xuan Han. C'est du moins ce que racontera un de ses amis journalistes, Nayon Chanda. Chanda est surpris alors par l'expression de Pham Xuan Han, un sourire étrange sur les lèvres, comme s'il était soudain en paix avec lui-même. Ce jour-là, Pham Xuan Han éprouve sans doute en effet le bonheur de voir s'accomplir ce pour quoi il se bat secrètement depuis 30 ans. Mais l'arrivée des communistes à Saigon, paradoxalement, crée une situation périlleuse pour lui. Pham Xuan Han peut à tout moment être dénoncé comme collaborateur des Américains. Et s'il est arrêté par les nouvelles forces de police, ce journaliste qui travaille pour Time et fréquente l'ambassade des États-Unis n'a aucun moyen de prouver qu'il est un espion communiste. Il aurait été très facile pour quelqu'un à ce moment-là de me tirer une balle dans la tête. La seule chose que je pouvais faire, c'était attendre que quelqu'un des services de renseignement sorte de la forêt et me reconnaisse. Cela fait plusieurs jours déjà que les Américains ont commencé leur évacuation. Lors de l'opération appelée Frequent Wind, plus de 7000 personnes, des Américains mais aussi beaucoup de Vietnamiens, sont évacuées de Saigon par hélicoptère jusqu'à des navires de l'US Navy qui attendent au large du Vietnam. Au bureau du Time, les collègues de Pham Xuan Han l'ont pressé jusqu'au dernier jour pour qu'il les accompagne. Alors, pour ne pas éveiller les soupçons, il finit par accepter que sa femme et leurs 4 enfants soient, eux, évacués et se réfugient aux États-Unis. Ils rentreront au Vietnam l'année suivante. Le 30 avril 1975, à 8h du matin, le dernier hélicoptère au-dessus du toit de l'ambassade des États-Unis évacue les derniers Américains par une échelle de corde. des images qui feront le tour du monde, comme celle, tragique, des Vietnamiens qui tentent de fuir leur pays par la mer, ceux qu'on appellera bientôt les « boat people ». La campagne Ho Chi Minh a remporté la victoire totale. Tout le peuple du Vietnam est décidé à mobiliser toutes ses forces spirituelles et matérielles, à sacrifier sa vie et ses biens pour garder son droit à la liberté. Après la chute de Saïgon et la réunification du pays, des centaines de milliers de Vietnamiens, surtout des militaires de l'ancienne armée du Sud, seront envoyés dans ce que le nouveau régime appelle pudiquement des camps de rééducation. Une équipe de la télévision française pourra visiter un de ces camps 2 ans plus tard, en 1977. 720 officiers restent encore au camp de rééducation T2, à 20 km au nord de Saïgon. Des hommes qui, des années durant, ont mené une dure bataille contre l'armée populaire et les guérilleros du GRP. Les vainqueurs sont convaincus que 4 heures de cours par jour pendant 6 mois, 1, 2 ou 3 ans finiront par ébranler leurs convictions. Le plus étonnant, c'est que Pham Xuan Han, l'espion le plus fidèle et le plus efficace des communistes vietnamiens, passera lui aussi une année en camp de rééducation. J'ai eu droit à une rééducation gentille, dirons-nous. J'avais vécu trop longtemps au milieu de l'ennemi. Ils m'ont envoyé là-bas pour y être recyclé. Ce qui n'empêchera pas, autre bizarrerie, que Pham Xuan Han soit par la suite promu général et élevé au rang de héros de l'armée populaire. Quand les Américains apprendront que l'ancien journaliste de Time était un espion communiste, beaucoup d'entre eux en tomberont à la renverse. Et les questions sans fin seront abyssales. Combien de situations pendant la guerre ont-elles été retournées à cause des renseignements que Pham Xuan Han fournissait à Hanoï? Pham Xuan Han termine sa vie dans sa petite maison de Saïgon, devenue Ho Chi Minh Ville, avec sa femme et sa famille, au milieu de ses livres, de ses chers animaux, des chiens, des oiseaux en cage et des poissons. J'aime les poissons parce qu'ils ne parlent pas. Pham Xuan Han meurt en 2006 à l'âge de 79 ans. Espion, une histoire vraie de Stéphanie Duncan est un podcast original de France Inter.